seront esclaves ou pire. Alors, nous allons bloquer l'avancée des Perses sur la côte, en rebâtissant le grand mur phocéen, et nous allons les obliger à emprunter le défilé que nous appelons les portes chaudes. Dans cet étroit corridor, leur nombre ne comptera plus. Maximum. Beat. Annonce-leur tous que je vais rentrer tard. J'ai mis deux grenades dans la guitare. Bise sur le front tout comme un Rital. Tridimensionnel comme Levi. J'croise une meute de paparazzi. J'comprends bien que c'est pas le paradis. Génies sont passés par l'asile. Pec abdo mais pas un radis. Les années passent, les cadavres s'empilent. Les pas sont lourds, les postes sont remplis. Repéré au cœur de Paris. Dans un engin très très rapide. On a souffert, on a galéré. Gros câlin, c'est bien mérité. C'est pas mon cœur qui bat, tu te trompes. C'est le téléphone en train de vibrer. Des projets de l'envergure de la Chine. Cheval de Troie, son talon d'Achille. T'as bien visé mais c'est pas dans le mille. Encore faut-il savoir qu'est la cible. Le jour se lève même sur les plus villes. La terre compte quelques bâtards en moins. Prêtres et hypocrites dans le coin. Ils vont s'éteindre tout seuls comme un joint. Concentre-toi là juste zozote. T'as les poumons remplis d'azote. 1000 mètres carrés juste pour le socle. Fin stratège tout comme t'es mis stop. Je me démarquais depuis la maternelle. Sombre dessin à l'aquarelle. Force de l'ordre voulait m'interner. Car je résonnais comme un Marc Aurèle. Arme massive d'anticipation. Tu entends mais n'écoute pas le son. Challenger, Falcon, citation. Puis meurs comme dans un film d'action. Paris c'est dangereux, c'est comme Gotham. Je te parle pas de quelques cas contacts. Organisé comme un Buckingham. Ou comme les gitans de Birmingham. La population ne comprend pas. Ne comprend pas puis n'écoutera plus. Un dirigeant qui redistribue les biens d'autrui en un coup de combat. Bienvenue dans mon monde à moi. Nombre de requins incalculables. Fais-moi signe si le contrat tue là. J'arrive en retard mais avec Dracula. Va pour ici, c'est peine perdue. Je pense qu'à ma gueule que Dieu me pardonne. Ça marche pour moi, ouais, les sons cartonnent. Je coule dans leurs veines à la Pemberton. Je me méfie de toi, frère, tu sers à rien. Je chuchote même dans un sous-marin. Je comprends le mort, c'est le sumérien. Claque pas la porte aussi serrurier. Sors de la daronne, le ventre vide. Je veux toujours mourir un vendredi. Haute marisée, plus que besoin de le dire. Intérieur jaune, Bumblebee. En bruit dans le parking, y'a pas de mosquée. Je me souviens de tous ceux qui se moquaient. Je suis devant la porte, j'ai pas le mot-clé. Donc je frappe les coups avec Damo. J'ai pas tout lu, donne-moi l'épilogue. Appelle-moi si tu vois l'équinoxe. Chamanisé donc je peux pas pilote. Je vois les jardins suspendus de Babylone. J'ai niqué mes ongles dans le bac à sable. Je contrôle le centre à la Bocassa. Le sport, la musique, on est bon qu'à ça. Courir comme Gotabaya, j'ai pas que ça. Je suis porte la chapelle, pas cramé. Dans le rétro, je vois à 3 camés. Je suis concentré, je pense qu'à gagner. Kagame rime avec 3 gamés. J'ouvre les yeux, je vois 6 vautours. La sensation d'une corde au cool. Bourreau ressemble au Kondoku. Et vu l'odeur, je suis à Dol Guldur. Ils m'ont viscère un bol d'arrêt. Je vais m'en remettre, t'inquiète pas. J'arrive comme Mehmet 2 dans un big harem. Je t'égorge en zappant le grand arrêt. Pose mon karaté comme une prose. Major en l'air, ouais, j'attends l'arthrose. Tout fraîchement sorti du lacrose. Assiette de fruits, mais dites Monsanto. Par la fenêtre, c'est la tentation. Au bout du fil, y'a même pas d'hameçon. Vérifie les informations. Ça sert la fin, star les francs-maçons. Ça se lève le matin, y'a pas de magie. Pas d'oseille, donc on récidive. Marre de manger dans un bol qui est vide. Donc Joseph rejoint les bolcheviks. Soit ma tête, elle a trop grossi. Soit le jeu devient trop petit. Je leur tire dessus à la tête chercheuse depuis des constructions trop glaudies. J'ouvre le bouquin au hasard. Fin du monde, 6e page. Je connais des anciens tellement vieux que tu tousses quand tu dis leur blasse.